document 2, page 94. Quelques auditeurs nous ont appelés pour nous parler de leurs expériences avec la télévision. Nous avons Nathalie en ligne. Nathalie ? Bonjour, oui. Alors avant que nous achetions la télévision, tout allait bien. Mais après que nous l'avons achetée, nos enfants ont arrêté de lire. Ils sont restés des heures assis devant le petit écran. Mon fils regardait la télé pendant qu'il faisait ses devoirs, pendant qu'il mangeait. C'était épouvantable. Un jour, les enfants sont allés chez leurs grands-parents. Et pendant qu'ils étaient là-bas, nous l'avons jeté. Jeté ? À la poubelle ? Oui, à la poubelle. Roland souhaite prendre la parole. Bonjour à tous. Je ne suis pas du tout d'accord avec l'auditrice qui vient de parler. J'ai 4 enfants et ils n'allument jamais la télévision avant que leurs devoirs soient finis. De plus, ils apprennent beaucoup de choses pendant qu'ils regardent la télé. Il y a aussi des émissions éducatives. Mes enfants font du sport, ils lisent. Je ne vois pas pourquoi je leur interdirais de regarder la télé. Merci Roland. On écoute Sophie. Sophie, c'est à vous. Moi, je suis d'accord avec Roland. Je trouve que Nathalie ne vit pas avec son temps. Et j'aimerais savoir ce qu'elle a dit à ses enfants après qu'ils ont découvert que la télé avait disparu. Nous leur avons dit la vérité.